Vous écoutez l'émission de l'auteur et philosophe Alexandre Timon, Les Révolutionnaires de Salon, sur Radio Impact. Cette semaine, aux Révolutionnaires de Salon, on va regarder les grandes machines et inventions de l'Antiquité. Bon, pour commencer, on va s'intéresser aux différentes civilisations, mais principalement, cette semaine, on va étudier les Égyptiens. Parce que là, c'est sûr que des inventions, il y en a eu dans les différentes régions du monde. Donc, c'est pas seulement que les Égyptiens ou les Romains ou... à l'Antiquité, bon, il y a les Chinois qui ont contribué pas mal, les Arabes aussi un peu, après ça, les Amérindiens, en tout cas, les peuples d'Amérique, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, finalement, en Afrique, là, t'as différents endroits qui ont créé des inventions. Donc, on va regarder ça en général. C'est pour ça que je vais faire des liens aussi avec les anciennes. Tu sais, par exemple, je vais parler principalement des inventions égyptiennes, mais je vais aussi parler des autres inventions si je vois qu'il y a des liens à faire avec ça, là. Bon, pour commencer, je pense que quand on aborde les inventions de l'Antiquité, il faut être capable de se dire que c'est des inventions faites par l'homme et non pas par les dieux, les demi-dieux ou les extraterrestres. Souvent, la raison des extraterrestres est souvent avancée parce que, je dirais essentiellement, ça vient de l'inconnaissance. Dans le sens que les gens d'aujourd'hui ont perdu le savoir, mais la personne ordinaire, là, qui n'a pas étudié l'histoire, qui n'est pas historien ou archéologue, n'a pas les connaissances exactes sur comment que les Égyptiens, par exemple, ont fait pour construire les pyramides, ou en tout cas, peu importe les techniques. Donc, la raison facile qui va être avancée, c'est la raison soit divine, c'est à cause de Dieu, ou c'est à cause des extraterrestres. Mais ça, c'est la simplicité de penser, en fait, parce que quand on étudie dans le détail comment ces peuples-là ont réussi à faire ces inventions-là, ces grandes machines-là, ont inventé certaines techniques de fabrication, ben à ce moment-là, on peut s'expliquer facilement comment ils sont arrivés. Je vais vous faire un exemple. C'est comme, par exemple, les hommes de la préhistoire, quand ils sortaient de la caverne, de leur caverne, ben là, ils se disaient, ah, ben là, waouh, c'est merveilleux, c'est beau, la nature, qu'est-ce qui a créé ça? Mais évidemment, les gens de la préhistoire ne pouvaient pas comprendre toute l'historicité du Big Bang, que bon, notre univers aurait été créé il y a 13,7 milliards d'années, qu'il y a eu différentes forces qui sont apparues, que les étoiles se sont allumées, que les galaxies se sont formées, que les planètes se sont formées autour des étoiles. Ces gens-là n'avaient pas la connaissance, mais ne pouvaient pas non plus s'imaginer ça. S'il y avait trop de connaissances nécessaires pour être capable d'en arriver à une explication finalement physicaliste là, ou plus scientifique entre guillemets là, du pourquoi là, la nature était aussi belle ou pourquoi il y avait des plantes, etc., des arbres, des roches, etc. Bon. Donc, les hominidés, si on veut, à l'époque, ne pouvaient pas se douter de toute cette grandiosité-là, de cette complexité-là, finalement, qui était advenue là, sur 13,7 milliards d'années. Donc, les raisons qui étaient avancées, ben, c'était évidemment des raisons faciles. Ah, c'est un Dieu créateur qui a tout créé ça. Là, toutes les religions sont apparues, les premiers dieux, des dieux, évidemment, que on a perdus au fil de l'histoire. Parce que là, aujourd'hui, on va dire, ah ben oui, on parle de la chrétienté, on parle des idéologies qui sont récentes, mais probablement qu'il y avait des explications divines, là, 50 000 ans, il y en avait aussi, là, puis même plus tôt que ça. Donc, sauf que ces prophètes-là, entre guillemets, qui proclamaient qu'il y avait des dieux multiples, souvent, là, c'est le polythéisme, ben ces prophètes-là, on n'entend plus parler parce que finalement, les traces de ça sont disparues, soit dans les cavernes, ou c'était juste des traditions orales. Fait que finalement, il n'y avait pas moyen vraiment de savoir, là, ça s'est pas transmis de génération à l'autre, ou en tout cas, sur de courtes périodes, sur quelques centaines d'années ou milliers d'années, là, dans le gros, gros, gros max. Tandis qu'à notre époque moderne, ben là, il y avait eu l'invention du papyrus, il y avait eu des inventions qui permettaient finalement de transmettre la connaissance des pseudo-prophètes, là, religieux, là. Donc, on a gardé certains vestiges des religions, là, pour ne pas dire des archaïsmes de l'histoire, comme Renaud Debré dit, là, Régis Debré. Donc, c'est ça, finalement, les explications divines, ça remonte aux origines de l'homme, là, en fait, où il n'y avait pas d'explication possible à part l'explication facile d'un dieu. Mais pour les extraterrestres, c'est le même type de raisonnement facile que là, on voit une pyramide, on ne sait pas comment ils ont fait pour la placer là. On se dit, ah ben ça doit être un gros vaisseau extraterrestre qui est arrivé, puis il l'a déposé d'une shot. Tu sais, ça c'est tellement un raccourci de la pensée là, que ça en est là, phénoménalement idiot, là. Tu sais, moi en tout cas, j'en reviens pas, là, mais ça c'est parce que c'est le quotient moyen. À notre époque, le quotient moyen de 100, de 90 à 110, il n'est pas plus capable de s'imaginer finalement les techniques de l'Antiquité, comme je vais vous expliquer aujourd'hui, là. Cette personne-là, dans le fond, elle n'a pas étudié l'histoire, comme j'expliquais, dans le détail, n'a pas ouvert un livre d'archéologie égyptienne, n'a pas fait tout le travail en amont pour comprendre comment les Égyptiens sont arrivés à de telles inventions. Donc, ils vont prendre des raisons faciles. Puis aussi, c'est que l'affaire, c'est qu'on ne trouve pas vraiment d'appareils électroniques extraterrestres non plus. Tu sais, ils ont bien beau faire des fouilles archéologiques, ils trouvent pas d'appareils électriques. Tout ce qu'ils vont trouver, c'est des vieux artefacts que l'homme aurait pu construire à cette époque-là, évidemment. Donc, les preuves qui sont avancées souvent sont très, très faibles. Puis aussi, bon, ils vont dire, mettons, comment ils ont fait, par exemple, pour fitter des blocs aussi précisément. Mais ça, on va le voir, il y a différentes techniques qui ont été utilisées à travers le monde, que ce soit par les Mayas, les Incas, les Romains aussi réussissaient à faire fitter des blocs très, très serrés, là. Pourtant, les Romains, on sait jamais qu'on va dire que c'est les extraterrestres qui ont fabriqué leur structure, là, leurs architectures. Donc, c'est le même problème, sauf que les Égyptiens, c'est un petit peu plus mystérieux, évidemment, parce que c'est plus ancien, puis les constructions qu'ils ont faites sont impressionnantes, sont plus un peu ésotériques. Donc, les raisons extraterrestres sont plus facilement avancées, mais c'est pas le, ça veut absolument rien dire, là. Puis aussi, quand on voit, par exemple, des formes de têtes d'animaux, bon, qu'ils ont faites, ben, tu sais, tous les peuples faisaient ça, là, parce qu'évidemment, les autres, tu sais, il y avait des, tu sais, c'était un peu leur mythologie, c'était un peu leur art et spectacle de l'époque. Bon, ils faisaient des, tu sais, ils faisaient pas juste des bonhommes avec des têtes humaines, là, ils faisaient des bonhommes avec toutes sortes de têtes, là, différentes, là. Fait que ça veut pas dire que c'était des extraterrestres. Ça, c'est tellement des raccourcis, là, simples de l'esprit, là, ça n'est épeurant, là. Mais quand on regarde sur Internet, là, il y a des centaines et des centaines de documentaires qui ont été faits là-dessus, là, ça n'est ridicule, là. Donc, puis là, évidemment, ben, il y a un effet d'entraînement, tout le monde regarde ça. Donc, à un moment donné, à force de regarder un certain bagage de connaissances là-dessus, mais on finit par se dire, ah ben oui, c'est évident, mais moi je vais vous donner toutes les raisons dans le détail de pourquoi c'est complètement stupide, puis je vais vous les donner les techniques, parce que moi ça fait des années que j'étudie ça de gauche à droite, j'ai regardé plusieurs séries de documentaires, j'ai plusieurs livres à la maison, donc on va regarder précisément, tu sais, comment ils ont réussi à faire ça, en tout cas les théories qui sont avancées à notre époque. Et puis, une autre affaire aussi qui est assez crédible, à mon avis, c'est que sur chaque site archéologique de la planète, ben, il va tout le temps avoir des gens qui travaillent là, qui sont payés par le gouvernement sur place. Puis eux autres, ces archéologues-là, gouvernementaux, si on veut, ben, eux autres, ils connaissent les techniques. Parce qu'eux autres, ils passent l'année là-bas sur le site à faire visiter à des touristes. Fait qu'ils savent les raisons, eux autres. Ils ont tout, tout, tout dans le détail, là, les techniques, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est eux autres qui sont les plus crédibles quand ils nous parlent des technologies utilisées par les anciennes civilisations et non pas des hurluberlus sur Internet que là, ils s'intéressent du coup à l'archéologie égyptienne. Puis là, tu sais, ils vont chercher des raisons à gauche, à droite, ils prennent des références finalement qui sont pas trop fiables. Puis là, ils vont monter une espèce de théorie extraterrestre en tête d'épingle que finalement, ça n'a aucune consonance avec la réalité. Puis ça va confondre plutôt la masse avec des stupidités finalement qui mènent absolument rien, puis qui nous éloignent des vrais faits là, d'archéologie là, standard là, universitaire. Donc c'est ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire pour commencer, parce qu'évidemment, il y en a qui vont écouter ça, puis ils vont dire, ah oh, non, il y a ci, il y a ça prouve. Non, moi je pense que les techniques sont très, très, très bien documentées. C'est sûr que c'est aussi... c'est aussi des probabilités, là. Ils ne savent pas exactement, par exemple, pour les pyramides, c'est quelle technique précise qui a été prise sur comment faire pour monter les blocs jusqu'en haut. Il y a trois théories essentiellement qui sont avancées en temps normal, mais bon, ils ne savent pas laquelle des trois, mais ils savent que c'est probablement la plus forte probabilité est là, plutôt que une grosse civilisation extraterrestre qui serait arrivée, qui aurait déposé une pyramide avec une soucoupe volante. Ça, c'est clairement stupide, là. Je peux vous donner un exemple, là. On va rentrer plus dans le détail bientôt, là, pour les théories, là. Mais je vais vous donner le meilleur exemple que je trouve, c'est par exemple l'île de Pâques. Ben, l'île de Pâques, c'est le même phénomène encore. Tu sais, les contes et légendes, là. Mais ça, c'est pour endormir les enfants, OK? Mais des fois, ça endort les adultes aussi, OK? Donc, mettons, sur l'île de Pâques, pendant un certain temps, on a dit que les statues marchaient tout seules. Donc là, il y a toutes sortes de contes et légendes là, qui ont été partis à partir de là. Puis là, bon, finalement, ça s'est tout amplifié avec les années. Mais en fait, il y a des chercheurs qui ont essayé différentes techniques pour déplacer les mêmes statues ou des structures équivalentes. Puis finalement, au début, bon, mais ben, ils ont essayé avec des morceaux de bois, des rondins qui faisaient rouler, qui tiraient avec des bœufs. Mais là, ce qui était avancé, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de bois sur l'île parce que finalement, les peuples sur l'île de Pâques, finalement, avaient tout pris le bois à partir d'un certain temps, là, ce qui a fait que la civilisation a s'est comme éteindue, là. Donc, tu sais, les légendes disaient que les statues marchaient tout seules. Mais là, récemment, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont essayé une autre technique, puis finalement, ça a fonctionné. Ils sont capables de déplacer les statues géantes qui pèsent des tonnes, on s'entend, là, c'est de la roche, là. Puis finalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il attachait des cordes au sommet de la statue. Puis quand il attachait à peu près quatre cordes là, de chaque côté, puis la base de la statue était faite de façon ronde. Donc là, avec un mouvement de bascule, c'est quand chaque personne tirait de son côté de façon avec une certaine cohérence, bien, ça permettait de faire vaciller la statue sur elle-même, puis la faire avancer un petit peu tranquillement. Donc, c'est comme ça qu'ils ont déplacé les statues. C'est la raison, l'avancée la plus probable. Donc, aujourd'hui, on sait comment que les habitants de l'île de Pâques faisaient pour déplacer ces monuments-là. Donc, aujourd'hui, la raison que les statues marchaient tout seules est complètement farfelue. Donc, mais c'est le même principe avec les pyramides, c'est le même principe avec toutes les structures qu'on trouve sur la planète. Il y a tout le temps une raison en arrière de ça, puis les archéologues spécialisés là-dedans, dans un domaine précis, vont tous vous les donner les raisons. OK? Fait que les statues sur l'île de Pâques, ils n'ont pas été amenées là par les extraterrestres. C'est pas des vaisseaux qu'ils ont descendus d'une shot. Ça, c'est de la fantaisie populaire, ça. Puis évidemment, je vais finir avec ça. Vu que nous autres, l'humanité, on est rendu une civilisation un peu de l'espace. On va sur la Lune, là, on va aller sur Mars. T'sais, là, on adapte finalement toutes les théories, les techniques de construction, on les adapte toutes au niveau auquel on est rendu aujourd'hui. Puis là, on est rendu au niveau de l'espace. Donc, c'est sûr que là, on s'imagine qu'il y a des habitants partout dans l'espace, puis que ces habitants-là, ben, ils nous observent. Là, ils essayent de s'implanter dans notre civilisation. Ils sont partout, sont cachés en dessous d'une roche, sont cachés en dessous de votre lit. Donc, tu sais, on fait juste adapter les théories explicatives à notre vision contemporaine de comment on pourrait le fabriquer aujourd'hui ou comment d'éventuels voyageurs de l'espace ou du temps aurait réussi à monter ces structures-là. Mais c'est juste une adaptation, c'est juste des conceptions, c'est de la suranalyse, à mon avis, c'est de la surenchère théorique qui, finalement, au bout du compte, ne sert pas vraiment l'archéologie puis va induire plutôt les gens en erreur. Donc, c'est pour ça. Pour les Égyptiens, c'est le même principe. Donc, c'est ça, on a un peu levé le voile sur le mystère des Égyptiens. Donc, je vais commencer tout simplement par expliquer que la civilisation égyptienne, elle, s'est formée environ vers moins 6000, moins 5000 autour du Nil. Parce que le Nil, c'est la principale artère de navigation puis de transport de l'Égypte. Donc, le Nil, lui, ça parcourt l'Égypte du nord au sud. Puis au nord, ben ça forme un delta qu'on appelle le delta du Nil, que ça fait une espèce de triangle où ce que là le Nil va se diviser en plusieurs fleuves, là, plusieurs rivières. Donc toute la civilisation égyptienne s'est montée à partir de là. Puis là aussi, il faut comprendre qu'on est sur le continent africain. Sur le continent africain, c'est là que l'humanité est apparue. L'humanité est apparue dans la vallée des Hominidés, qui est aussi dans l'Afrique de l'Est. Et puis l'Égypte, c'est dans le nord-est. Donc, il faut comprendre que là, à un moment donné, les Africains, sapiens, sapiens, archaïques, à un moment donné, les autres, ils ont monté vers le nord. Puis le nord, ben là, c'est oui, OK, c'est le désert du Sahara pour l'instant, mais ça a déjà été une jungle, si on veut. Ça a déjà été de la verdure. Ça n'a pas tout le temps été un désert. Il y a eu différentes phases là, de désertification, ensuite la végétation est revenue selon la température, puis le climat terrestre, mais à un moment donné, bon, les peuples sont montés vers le nord, puis c'est probablement ceux-là qui ont formé les premières civilisations, là, les premiers habitants, les riverains du Nil. Donc c'est pour ça que ça remonte à loin finalement, là, la colonisation du Nil, puisque c'est les premières civilisations là, pratiquement de l'humanité, là, à part en Asie, là. Bon, c'est comme ça que, par la force des choses, les humains se sont ramassés autour de ce fleuve-là. Donc, le Nil, lui, aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que toute l'histoire de l'Égypte est basée sur le Nil, là. Si vous ne connaissez pas le Nil, vous ne pourrez pas faire toutes les déductions après ça sur les constructions, sur différents principes. C'est que finalement, le Nil, lui, c'est qu'il va monter une certaine période de l'année, puis ensuite, il va redescendre. Donc, eux autres, les Égyptiens, ils ont développé, c'était les experts en irrigation par des canaux, en canalisation. Donc, eux autres, ils creusaient des canaux qui étaient perpendiculaires au Nil pour alimenter leur culture. Parce qu'évidemment, ça prenait de l'agriculture, là. L'agriculture, ça, on sait que c'est apparu il y a environ 12 à 10 000 ans. Pourquoi? Parce qu'avant ça, évidemment, c'est l'humanité, on vivait sous le mode chasseur-cueilleur. Donc, les hommes allaient chasser, les femmes cueillaient. Bon, les femmes ramenaient ça à la tribu. Puis ensuite, bon, ben, les hommes revenaient avec le butin de chasse. Ils partageaient ça. Mais là, à un moment donné, c'est que en Mésopotamie, il y a une certaine variété de blé que, elle, les grains de blé se détachaient plus facilement. Donc, les premiers humains ont commencé à cultiver cette espèce de blé-là, qui était plus facile finalement à récolter puis à sortir le blé pour ensuite faire de la farine, faire du pain, faire toutes sortes d'utilisations. Donc les Égyptiens, ben ça même affaire, eux autres avaient qui faisaient des cultures, mais là pour réussir leur culture dans le désert, ben il fallait avoir de l'eau, hein, fait que c'était l'eau du Nil. Donc les autres c'est ça, ils faisaient des canaux là de vraiment très de assez longs là qui tu sais qui finalement qui faisaient un grand canal, après ça qui redivisaient en plusieurs petits canaux, puis ça s'en allait vers les champs. Sauf que là, le Nil, quand que lui il descendait à une certaine période, ben là, les Égyptiens, eux autres, ils pouvaient plus faire de culture. Fait que là, ce qu'ils faisaient, c'est que le pharaon, lui, évidemment, qui était à cette époque-là, vu comme un dieu vivant, ben là, eux autres, les Égyptiens, les travailleurs, les paysans normaux, pour eux autres, la façon de gagner leur ciel, c'était d'aller aider le pharaon. Parce que le pharaon, s'il aidait à fabriquer son tombeau céleste, ben évidemment, ils gagneraient mieux leur ciel, comme les chrétiens, là, qui pensent qu'ils vont gagner leur ciel s'ils font leur prière, puis qu'ils ont une vie de misère, puis etc., là. Donc, quand le Nil s'abaissait, ben les Égyptiens, eux autres, ils montaient au nord, parce que là, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de culture à faire. Donc, là, ils allaient travailler sur la construction des pyramides. C'est pour ça que, tout d'un coup, à chaque année, l'Égypte, le pharaon se ramassait avec une grande quantité de travailleurs qui pouvaient disposer selon ses projets, là. Puis c'est ça. Fait que finalement, mais là, au début, les pyramides, eux autres, les estimations des archéologues, c'est que ça leur a pris, par exemple, 100 000 personnes pour construire les grandes pyramides. Par exemple, les pyramides de Khéops, etc. Mais aujourd'hui, on sait que, en tout cas, les nouveaux chiffres qui sont avancés, c'est que seulement avec 20 000 personnes, ils auraient pu construire les pyramides. Puis avec des délais finalement qui sont aussi inférieurs là, à ce qui était prévu au départ, là. Mais c'est sûr qu'on parle de constructions qui pouvaient s'effectuer sur 10 ans, sur 20 ans, un peu comme les cathédrales en Europe. C'était pas fait en 5 ans, là, c'était fait sur des décennies finalement, là. Il y a des générations qui travaillaient là-dedans, là. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé en Europe avec des super cathédrales, la cathédrale de Cologne, la cathédrale de Notre-Dame qui a brûlé récemment, c'était construit, ça prenait beaucoup de temps. Mais les gens, encore là, quand ils fabriquaient une cathédrale en Europe, ils pensaient un petit peu qu'ils gagnaient leur ciel. Tu sais, que s'ils faisaient ça pour aller au paradis et non pas en enfer, etc. Donc, c'était des travaux qui étaient rémunérés, mais pour les Européens, mais tu sais, je veux dire, il y avait beaucoup de foi là-dedans, de croyance. Donc, ils auraient travaillé pour rien, puis ça les aurait pas dérangés. Pour les Égyptiens, eux autres, souvent, l'image populaire qu'on a véhiculée, c'est que c'était des esclaves. Et non pas, ce n'était pas des esclaves. C'était des travailleurs, finalement, qui étaient très bien logés. Eux autres, ils dormaient, ils creusaient des trous dans la terre, là, sur la longueur. Puis là, les Égyptiens, eux autres, pouvaient dormir là-dedans, tout cordés un peu comme des sardines. Ensuite, il y avait de l'huile d'olive qui leur était servie. Ensuite, même, il y avait certaines bières de l'époque, là, qui pouvaient absorber une fois de temps en temps, là, qui étaient données en récompense. T'sais, il était bien soigné parce qu'il fallait qu'il force beaucoup, hein, pour réussir à construire ça. Donc, c'est sûr que peut-être qu'il y a eu certains esclaves, là, mais t'sais, en général, les Égyptiens qui étaient finalement des paysans normaux, là, n'étaient pas surexploités par le pharaon. Bon, pour les pharaons, c'est sûr, il faut savoir aussi que tu avais le pharaon de la Haute-Égypte et le pharaon de la Basse-Égypte. Le pharaon de la Haute-Égypte, c'était lui qui était vu comme le plus haut, finalement, là, par rapport à toute l'Égypte au complet, là. Puis aussi, le pharaon de la Haute-Égypte portait un chapeau spécial que, finalement, le pharaon de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte pouvaient fitter les deux chapeaux ensemble, mais c'était celui de la Haute-Égypte qui était le plus voyant, là, pour montrer, finalement, là, son ascendance sur l'autre pharaon. Donc, c'est ça. Fait que les travailleurs, eux autres, c'était toutes des petites équipes. C'était des équipes, je pense, de 20 personnes. Et puis, les autres, dans le fond, il y avait. Parce que les Égyptiens, la façon qu'ils procédaient, ils avaient divisé ça en plusieurs équipes pour tirer chaque bloc. Puis dans le fond, ils essayaient de maintenir une compétition entre chaque équipe pour leur dire, ah, les autres, telle équipe, ils travaillent plus vite que vous autres, let's go, les gars, faut continuer, faut pousser encore plus de blocs. Comme ça, en maintenant une certaine compétition, ben là, ça faisait que les Égyptiens, ben, ils travaillaient un petit peu plus. Puis finalement, ils arrivaient à fabriquer les pyramides après des dizaines d'années, là. Puis, en tout cas, je vais revenir tantôt sur le pourquoi des pyramides, là. Donc, c'est ça, il y avait des petites équipes, puis la façon de traîner les blocs, là, je vais compter ça rapidement, là, c'est qu'ils assisaient le bloc, je vais dire comment qu'ils allaient chercher les blocs aussi, là. C'est qu'ils assisaient les blocs sur des espèces de, pas de chariots, là, mais de scellés, là. Puis finalement, des espèces de luge, que là, le bloc était mis sur la luge. Ensuite, ils pouvaient mettre de l'huile d'olive, OK, en dessous pour le faire glisser. Puis là, ce bloc-là, lui, cette luge-là, était tiré sur des rondins, évidemment, qu'ils mettaient de travers. Ça, c'est une des raisons qui est avancée souvent, là. Donc, avec l'huile d'olive qui diminuait la friction, puis ensuite la luge qui, elle, aux extrémités, était comme recourbée vers l'intérieur, c'était rond, donc la friction était diminuée. Mais là, à ce moment-là, ils réussissaient à tirer les blocs par petite équipe. OK? Puis évidemment, les pyramides, eux autres, les blocs les plus gros étaient en bas pour asseoir la pyramide comme il faut au sol. Mais là, plus que ça montait, plus que les blocs devenaient de plus en plus petits, donc de plus en plus faciles à transporter. OK? Puis c'est ça, dans les techniques qui sont avancées, qui auraient pris pour faire monter les blocs, mais ce qu'ils vont dire, par exemple, que c'était soit une rampe centrale qui aurait été construite en blocs, donc tous les blocs étaient amenés, apportés par le milieu, soit que c'était une rampe comme en spirale qui tournait autour de la pyramide pour la porter tranquillement là, vers le sommet, ou finalement que c'était fait directement par-dessus, là, avec des rampes en coin. Donc, sur chaque côté de la pyramide, on montait comme un triangle qui longeait la pyramide. Puis là, les blocs étaient montés sur un étage. Après ça, il y avait un autre coin qui montait sur l'autre étage, ainsi de suite. Après ça, il y a d'autres théories, dans le fond, qui ont été données que ça pouvait être finalement des rampes en zigzag. T'sais, des rampes finalement qui montaient de gauche à droite. Donc, ce qui permettait un peu comme on voit dans les montagnes, là, t'sais, mettons une route dans une montagne, elle monte pas directement en ligne droite, elle va monter en zigzag. Donc, les blocs auraient pu être montés comme ça. Ça aurait pu être une petite rampe aussi centrale, faite avec des matériaux là, qui pouvaient être démontés plus rapidement, comme on a vu dans d'autres structures là, plus au sud de l'Égypte. Après ça, bon. T'sais, essentiellement, il y a à peu près 10 techniques là, qui ont été rapportées par les historiens. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement c'est laquelle technique, parce qu'il n'y a pas de traces vraiment. Il y en aurait peut-être un petit peu des vestiges, mais elles sont difficiles à trouver. J'ai l'impression que c'est ça, les rampes qui étaient installées ont été démontées à la fin. Les blocs ont été réutilisés ailleurs pour d'autres constructions. Donc, c'est pas un type de structure qui nous permet vraiment de voir là, de chaque côté, comme à Abou Simbel, où ce que là on voit qu'il y avait des espèces d'échafaudages qui étaient montés de chaque côté, là, où est-ce que les sculpteurs travaillaient pour faire finalement ressurgir les statues d'un monument à partir de la pierre brute, à partir d'une falaise, là, ou creusant à l'intérieur. Si on voit là, de chaque côté les traces là, des échafaudages qui étaient montés. Donc, les pyramides, c'est pas un type de structure qui permet ben de voir là, comment ça a été monté. Sauf que, tu sais, on peut se douter que, bon, il y avait une de ces techniques-là. Là, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas 75 façons possibles, là. Il y a quand même des impératifs physiques, là, de poids, là. Bon, après ça, les blocs, eux autres, ils étaient pris dans le sud de l'Égypte. Il y avait une grosse carrière là-bas de pierres. Puis la façon d'enlever les pierres, finalement, des massifs, finalement, là, du sol. Puis ça, il y a d'autres peuples qui ont utilisé les mêmes techniques essentiellement. C'est que c'était la méthode avec des embouts en bois. Donc, par exemple, soit on créait une petite fissure ou on prenait des fissures déjà préexistantes. Là, ils mettaient des embouts en bois, des coins en bois, là. Là, après ça, ils mettaient de l'eau à l'intérieur des embouts. Puis là, l'eau faisait gonfler les parts du bois, faisait gonfler le morceau de bois. Fait que ça fait, à un moment donné, s'il y en avait beaucoup, ça faisait craquer la pierre. Puis là, comme on sait avec la physique, chaque matériau, que ce soit le cristal, le diamant, n'importe quoi, ils ont tous des lignes de clivage, des lignes de fissures, là. Donc, la pierre, ben, également a des lignes de fissures, tout dépendamment de sa structure atomique, là, que ce soit une structure cubique, centrée, etc. Donc, et les Égyptiens, ben là, ils avaient découvert qu'ils pouvaient faire craquer la pierre. Puis si ça fonctionnait pas, je sais que dans d'autres peuples, ça a été fait, qu'ils faisaient des petits feux à la surface pour encore là chauffer plus la pierre. Puis ensuite, ben, ils mettaient l'eau. Fait que la chaleur plus le froid de l'eau, ben, ça faisait craquer la pierre. Donc, ils réussissaient à détacher de gros morceaux de pierre comme ça, des carrières de pierre, pour ensuite les tasser. Et puis là, les maçons, eux autres, tu sais, ils perfectionnaient, ils venaient tous amoindrir les faces qui étaient irrégulières. Eux autres, ils travaillaient avec des outils essentiellement, des marteaux en bois, plus des outils de cuivre. Mais il y aurait aussi des pierres dures qui auraient été utilisées, comme par exemple la dolérite, la diorite, la pegmatite ou le silex. Puis les carrières principales qui ont été dans lesquelles ils ont pris les pierres, mais il y avait la carrière d'albâtre d'Atnoub. Il y a eu la carrière de Ra-Anou, où est-ce qu'elle est chercher le granit. Il y a les carrières de grès de Gebel Silsileh. Puis les carrières de granit aussi d'Aswan, qui étaient très reconnues, là. Donc, une fois qu'il avait pris les pierres, bien évidemment, il les déplaçait. Comme je dis, il y avait des maçons là, qui la travaillaient la pierre comme il faut pour que le bloc soit déjà utilisable, avec les mensurations qui avaient été prédéfinies là, par les architectes de l'Égypte antique, parce qu'évidemment, à cette époque-là aussi, il y avait des architectes. OK, puis ça, je vais en revenir, je vais en reparler dans 2 secondes. Là, ils mettaient les pierres sur un bateau. Puis là, le petit bateau égyptien, bien, lui, il remontait le Nil. Puis là, il allait jusqu'au site où est-ce que la pyramide était à construire. Donc, c'est comme ça qu'ils apportaient leurs blocs. Puis là, ils débarquaient les blocs, puis bon, ils apportaient ça sur le site, puis ils montaient ça sur les rampes là, qui avaient été préalablement installées. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Puis bon, j'ai vu aussi une technique qui est avancée, que ça n'a pas été prouvé encore là, mais c'est aussi que les Égyptiens auraient pu transporter les blocs avec leur fameuse canalisation. Une fois là, qu'ils étaient à partir du bateau, bon, il aurait pu accrocher probablement des peaux d'animaux qui auraient été cousues pour former des espèces de flotteurs. Puis là, les blocs avec plusieurs flotteurs autour auraient pu être débarqués du bateau, puis tranquillement, pas vite, transportés vers les canaux, poussés avec des bâtons de chaque côté, là, puis là, amenés jusqu'au site. Mais ça, c'est une version un petit peu plus farfelu là, qui a été avancé récemment, mais sinon, il était capable d'y tirer là, avec les chariots standards là, que je vous ai parlé tantôt. Là. Donc, c'est la raison la plus probable, à mon avis, c'est celle-là. Là. Bon, aussi, une autre affaire qu'il faut comprendre, ce que je disais, les architectes, c'est que chaque grand peuple des civilisations humaines avait souvent un génie qui était derrière la construction comme ça, là, des pyramides ou que ce soit d'autres trucs. Là. Comme par exemple, les Égyptiens, eux autres, c'était Imhotep, le grand vizir. Bon, mais les Romains ou les Grecs, eux autres, c'était Archimède de Syracuse. Fait que, tu sais, ça, c'était comme le surdoué, finalement, de ce peuple-là. Parce qu'il y en avait aussi des surdoués à cette époque-là. Là. Tu comprends? Fait que, si, mettons, le gars, il avait 130, 160, 180 de quotient, bon, mais lui, ça donnait qu'il travaillait pour le pharaon, ben, il en avait des bonnes idées. Tu comprends? Donc, lui, comme par exemple Imhotep le grand vizir, ben lui, ils ont retrouvé son tombeau, puis il est écrit au-dessus Imhotep le grand vizir. C'était un médecin, c'était un architecte, il cumulait plusieurs métiers, il travaillait pour le pharaon. Fait que lui, c'est Imhotep, ben c'est celui qui souvent qui est nommé, qui était à la base des pyramides. Fait que ça ne serait pas surprenant que ce grand génie-là ait réussi à concevoir par son intelligence les structures des pyramides. Qui, moi, je trouve, est pas mal le plus probable au lieu des civilisations extraterrestres, que ça, c'est complètement stupide. Fait que c'est Imhotep, finalement, qui a instigé la construction des pyramides. Puis aussi, une autre chose qu'il faut savoir par rapport à l'Égypte, c'est que dans l'Égypte, dans le climat égyptien, ben c'est un désert. Puis là, dans le désert, ben il se forme des fois des structures qui vont former une espèce de monticule de sable. Que ça, bon, les Égyptiens, eux autres, ils observaient ce phénomène-là dans la nature. Donc, à un moment donné, ceux qui étaient enterrés, se sont dit, on va construire des petits monticules pour eux autres aussi. Fait que là, les premières, avant même l'apparition des pyramides, les premiers tombeaux égyptiens, c'était des mastabas qu'on appelait. Mais c'était des petites structures, là, faites en forme de triangle, là, un peu, là. Mais, tu sais, qui étaient vraiment... Ça dépassait pas peut-être 5-6 pieds de haut, là. C'était vraiment des mini-structures. Sauf que connaissant la nature humaine, puis même aujourd'hui, c'est la même chose. On va dans les cimetières, on regarde les pierres tombales des personnes les plus riches d'une ville ou d'un village. Bien évidemment, ils vont tout le temps avoir des super belles pierres tombales parce que c'est pour afficher leur richesse, leur prestige, leur notoriété. Donc, à l'époque des Égyptiens, c'était la même affaire. Il n'y avait pas de différence, là. Donc, la personne qui était bien vue, le notaire, le riche, ou même encore plus, évidemment, le pharaon, qui lui se voyait comme un descendant des dieux, là, ben, c'est sûr qu'eux autres, en plus qu'il y avait accès aux richesses de tout le peuple au complet, là, il y avait accès, veux dire, à toute la main-d'œuvre. C'est certain qu'il était pour se faire faire des immenses pierres tombales. Puis c'est ça aussi, les pyramides, c'était leur dernière demeure. C'était pour rester en communication avec les dieux. Fait que c'est pas surprenant qu'ils ont transformé graduellement le petit mastaba en d'immenses pyramides, là. Puis il y a une progression aussi là-dedans, là. Tu sais, les premières pyramides n'étaient pas bien construites. Ça, je vais vous en parler, là. Tu sais, les premières pyramides, c'était des essais et erreurs, finalement, là. Mais avec le temps, avec les différentes dynasties, les générations, les différents architectes, à un moment donné, ils ont réussi à faire d'immenses pyramides, comme les pyramides de Khéops. Ça, c'était dans les dernières pyramides. Là, ils avaient atteint un sommet dans leur technologie, là, ce qui n'était pas le cas du tout au début quand ils ont commencé. Donc, tu sais, c'est pour ça que ceux qui croient que c'est les extraterrestres qui ont fait ça, ben c'est parce qu'ils connaissent pas ces informations-là. Ils savent pas que les premières pyramides des Égyptiens étaient très mal construites. Même les pyramides s'enfonçaient dans le sol. Ils ont été obligés de réviser l'angle avec lequel ils faisaient les pyramides parce que c'était pas le bon angle. Ils ont retravaillé l'angle souvent. Ils ont retravaillé les types d'ingénierie. Donc, tu sais, on voit tous les vestiges, là, on voit la gradation, ce qui fait que on réalise à ce moment-là que c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années et non pas tout d'un coup, c'est pas apparu comme par enchantement, ça, là, les pyramides, là. Comme par exemple la pyramide de Khéops, qui avait été faite avec les pierres calcaires de la carrière de Gizeh, mais ça, c'était le summum de la pyramide, là. T'sais, mais au début, je vais vous parler de la première pyramide. C'était quasiment ridicule ce qu'ils ont réussi à faire, là. Donc, c'est ça, la première pyramide qui est connue dans le monde égyptien, c'est la pyramide de Djoser. Parce que Imhotep, lui, travaillait pour Djoser. Donc, c'est la première pyramide à degrés qu'on dit, là. C'est que la pyramide à l'extérieur n'était pas parfaitement lisse comme un triangle, mais c'était toutes des degrés, t'sais, toutes des encochures qui étaient faites un peu plus comme le mastaba, là, que j'expliquais tantôt. Donc, lui, il a travaillé sur cette pyramide-là. Puis là, bon, Djoser, c'est un pharaon, donc, tu sais, je veux dire, ça a fonctionné. Mais là, après ça, évidemment, l'autre pharaon d'après voulait avoir une pyramide encore plus impressionnante. Donc, la pyramide qui a été faite par la suite, c'est la pyramide de Snéfrou, qui a été faite sur le site d'Achour. La pyramide de Snéfrou, ce qui est particulier, c'est qu'on l'appelle la pyramide rhomboïdale. C'est que c'est ça. Au début, les Égyptiens, ils ont commencé à faire la pyramide avec un certain angle, puis finalement, ils se sont aperçus que il y avait un effondrement de la pyramide, les pierres commençaient à craquer, tout ça. Donc, ils ont été obligés d'adapter l'angle de la pyramide pour l'alléger finalement, parce qu'ils voyaient qu'elle pourrait être trop lourde, puis elle aurait risqué de s'effondrer finalement, de descendre trop d'un côté, ce qui l'aurait rendue inutilisable. Donc, finalement, ils ont réajusté les degrés. Donc, dans la première version, il y avait un angle de 58 degrés. Mais après ça, finalement, ils ont choisi de faire un autre projet parce que la pyramide la montrait plus haut. Mais finalement, c'est avec un angle de 54 degrés. Sauf que finalement, ça non plus, c'était trop lourd. Donc, le troisième projet, avec le réajustement, bien, ils ont décidé de faire de couper l'angle encore plus court, là. Finalement, ça a donné un toit qui était moins lourd. Donc là, ils ont fait leur premier test. Puis après ça, bien, les pyramides, il y avait exactement le bon angle pour continuer à faire des pyramides plus solides. Une autre affaire que les Égyptiens avaient remarqué, c'est que quand on prend du sable, une poignée de sable, qu'on la laisse tomber, le petit tas que ça va faire à terre, bien, ça va donner 30 degrés d'angle. Fait que les autres, ils partaient avec ça comme information, là. Mais ils n'ont pas fait des pyramides exactement de cet angle-là, là. Donc c'est ça, les pyramides au début, ça a commencé du Mastaba, après ça la pyramide de Djoser avec Imhotep, après ça la pyramide rhomboïdale, la pyramide rouge, tu sais, dans le fond, pour aller jusqu'aux pyramides de Khéops. Puis finalement, à la fin, ben, les Égyptiens, ils mettaient du calcaire à la surface des blocs, parce que c'est sûr, quand la pyramide était finie, ça faisait juste des blocs tout carrés, là. Fait que les autres, ils mettaient du calcaire blanc. Puis finalement, ça faisait une pyramide complètement lisse à la fin. Puis le calcaire blanc, quand le soleil réfléchissait dessus, ben on la voyait de très loin, la pyramide, là. T'sais, ça brillait, là, c'était blanc, éclatant, là. Donc, c'est comme ça que l'histoire des Égyptiens s'est construite, si on veut, avec les pyramides, qui finalement sont un vestige de la grandeur de leur civilisation. Et puis, mais l'affaire, c'est ça, c'est que les pyramides, ça servait comme tombeau finalement pour le pharaon, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la longue, il y avait tellement de pilleurs de tombes que les Égyptiens ont arrêté de faire des pyramides parce que ça prenait trop de ressources, ça prenait trop de temps. Le pharaon, fallait qu'il en fasse construire à partir du début de son règne pour être certain qu'elle soit finie avant sa mort, parce que sinon, il n'aurait pas pu placer sa momie ailleurs en attendant. Ben, il aurait pu y faire un tombeau temporaire, mais sinon, c'est ça, il les enterrait à la fin, là, dans le sud de l'Égypte, dans la vallée des rois, la vallée des morts, où est-ce que là, les pharaons étaient cachés dans des cavernes, creusés à même la roche. Et puis ça permettait que quand ils fermaient la porte en arrière, ben il n'y a personne qui pouvait rentrer. Personne ne savait exactement où étaient les tombeaux. Donc ça a permis de préserver, par exemple, la tombe de Toutankhamon. Et puis ils ont retrouvé tous les trésors à l'intérieur, tous les artefacts en or, en cuivre, en bronze, les statuettes. Ils faisaient des offrandes aussi avec de la nourriture parce qu'ils pensaient que le pharaon, ben, il devait continuer à manger dans l'au-delà. Puis sinon, les pyramides, ben à l'intérieur, eux autres, ils faisaient une espèce de tunnel, un petit tunnel qui faisait un angle qui allait jusqu'à l'extérieur. Ça montait vers le ciel. Puis ça, ils pensaient que l'âme du pharaon, tu sais, prendrait ce corridor-là pour s'en aller vers les étoiles, si on veut, là, parce que c'est sûr, il y avait des connaissances par rapport à l'espace, un peu par rapport aux étoiles. Parce qu'il faut comprendre aussi que les premières civilisations, ben, ils essayaient toutes d'avoir des connaissances sur les astres, parce que ça les informait à savoir par rapport au cycle des saisons. Puis ils pouvaient savoir, bon, ça va être quand le temps des récoltes, c'est quand le temps de planter, etc. Donc ça, pour eux autres, c'est important, parce que ça leur assurait des informations supplémentaires pour être certain qu'il y ait des récoltes. Parce qu'il n'y avait pas de récoltes, ben il y avait des famines, hein, etc. Donc eux autres, les peuples, là, on parle par exemple de Babylone aussi, qui est une des premières villes de Mésopotamie. Ben, eux autres, il y en avait des. Ils ont retrouvé sur des petites tablettes d'argile des informations par rapport au mouvement des planètes. C'est ce que par la suite, Archimède se serait inspiré. Les Grecs, dans le fond, eux autres, ils auraient eu de l'information de Babylone. Puis ça leur a permis de se construire une vision astronomique de l'espace. Et puis les Romains aussi se sont construits par la suite sur les informations que les Grecs avaient, là, sur la civilisation grecque en fait, là. Mais ça, on va en reparler une autre fois, là. Sinon, pour les Égyptiens, c'est ça, c'est que eux autres, ils étaient capables de faire des temples, dans le fond, avec toutes des poutres, des piliers verticaux, mais qui étaient toutes des rondelles de pierre. Et puis là, la façon d'édifier ça, ils mettaient pas les. Tu sais, il n'y avait pas de grues, eux autres, vraiment, là. Ils pouvaient avoir des espèces de. Ouais, ben, pas des grues, mais des. Ils mettaient des morceaux de bois en A, là, qui étaient fixés ensemble avec des cordages. Puis là, ils pouvaient descendre, par exemple, un tombeau d'enterre. Tu sais, ils pouvaient lever certaines structures, mais il n'y avait pas des grues, là, comme ils ont été faites par la suite, là. Donc, eux autres, une façon de faire les temples avec les rondelles, c'est que. Donc, ils plaçaient les rondelles à terre. Puis après ça, ben. Il mettait du sable à côté, puis là, après ça, il replaçait une rondelle ou une autre structure. Après ça, il remettait du sable, ainsi de suite. Fait que finalement, il montait en même temps que la bâtisse se construisait. Fait que ça lui permettait de monter des temples. Puis après ça, par exemple, il avait placé deux roches verticales, deux grandes roches. Mais là, rendu au bout, ben, il mettait une autre roche par-dessus. Fait que ça faisait une porte, ainsi de suite. Fait que comme ça, ils pouvaient bâtir des temples dans le désert où est-ce qu'il y avait beaucoup de sable sans trop de problèmes. Une autre affaire aussi que les Égyptiens y auraient inventé, c'est l'éolienne. Parce que dans le désert, vu qu'il y a beaucoup de vent, ben là, ils plaçaient, ils faisaient comme une espèce de structure en demi-cercle, là, des murs en demi-cercle, pas trop élevés. Puis là, ils plaçaient à l'intérieur une espèce de petite hélice là, qui pouvait recevoir le vent. Puis ensuite, en dessous, ben, ils plaçaient une meule en pierre. Puis là, ils pouvaient moudre comme ça le blé. En tout cas, il y avait des différents arrangements, mais ça lui permettait de moudre du grain sans qu'ils aient à le faire eux autres mêmes. Ensuite, ben, ils utilisaient des haches qu'au début, ils étaient faites en cuivre, sauf que le cuivre, à force de couper, ça s'émoussait rapidement. Fait que finalement, ils ont pris plus du bronze, ou est-ce que là, il fallait que tu fasses fondre du cuivre et puis de l'étain. Mais à peu près 10% d'étain, 9-10%, fait que ça donnait un métal qui était 3 fois plus solide. Donc ça permettait d'avoir des haches ben, qui résistaient aux armes des ennemis. Puis après ça, ben, ils attachaient tu sais, dans le fond, ils coulaient le métal, ils faisaient une espèce de forme de hache. Ensuite, ça, ils rentraient ça dans un morceau de bois, un bâton de bois. Puis là, après ça, ils attachaient la lame, ils rentraient la lame dedans, puis ils attachaient ça avec des lamelles de cuir. Puis là, ils mouillaient le cuir avant, puis après ça, ils le serraient. Puis quand le cuir séchait, ben ça serrait la lame sur le bâton. Fait qu'il y avait différentes haches comme ça pour se servir, soit pour les usages domestiques, la construction, ou pour des haches surtout de combat contre les Hittites, là, que les Égyptiens se sont battus un bon bout de temps contre eux autres, là, avec leurs chariots et compagnie, là. Donc, ils ont retrouvé une statuette de chat qui date à peu près de 6000 ans avant Jésus-Christ. Puis, c'est ça, elle avait qui était faite en cuivre. Puis, c'était sur une base en bois. Parce que les Égyptiens, eux autres, ils tripaient bien gros sur les chats. Parce que c'était associé à la déesse Bastet, qui était protectrice des pharaons. Ou sinon, le tunnel qui partait dans la pyramide, qui partait vers le ciel, se sont demandé longtemps, ça servait à quoi? Donc, il y a des archéologues, égyptologues, qui ont envoyé des petits robots à l'intérieur pour parcourir tout le tunnel, puis finalement au bout, ben, c'était bloqué, puis il y avait un petit morceau de métal là, qui était comme symbolique, là. Ils ne savent pas trop à quoi ça servait, mais c'est comme un peu la porte vers l'espace, là, vers les étoiles. Fait que les Égyptiens, finalement, il y avait vraiment beaucoup de croyances par rapport à la vie après la mort, etc., qui venaient des dieux, donc ils devaient continuer dans l'au-delà. La plupart des peuples ont eu des conceptions comme ça, à savoir qu'est-ce qui se passe après, c'est bien normal. Et puis évidemment, vu qu'il n'y avait pas rien pour, il n'y avait pas de science pour le prouver ou quoi que ce soit, ben là, leur imagination était vraiment fertile. Ils s'imaginaient toutes sortes de mondes, que ce soit les Romains là, qui étaient polythéistes avec Zeus, Poséidon, etc., que les dieux païens, Thor et compagnie, le Valhalla, que le monde des esprits des Amérindiens, que le dieu est un soleil pour les peuples d'Amérique centrale. Donc, tout le monde avait des conceptions là, assez farfelues. C'est pour ça qu'il y a des vestiges encore de ces croyances-là à notre époque. Mais bon, avec la pensée scientifique, l'empirisme, puis le raisonnement pur, ben, on peut réussir à finalement voir plus clair là-dedans, puis établir des niveaux de probabilité. Les Égyptiens aussi utilisaient le fer, parce que ça venait de l'âge du fer, donc ça avait été inventé. Puis, eux autres, ils étaient capables de faire des scies, des espèces de scies à ruban, tu sais, allongées, là. Puis, avec ça, ben, ils réussissaient à couper du marbre. Puis, dans le fond, c'est ça, leur scie, c'était assez rudimentaire, là. Dans le fond, c'est qu'ils plaçaient des bœufs attachés avec des cordes d'un côté à droite, des bœufs de l'autre côté aussi. Après ça, eux autres, ils servaient de traction, de force pour tirer la scie qui était au centre, tu sais, de gauche à droite. Puis ça, c'était tenu comme dans un rack en bois, là. Puis là, pour scier le marbre, bien, ils utilisaient du sable, parce que dans le sable, il y a de la silice. Donc ça faisait un abrasif qui permettait de mieux couper la pierre. Et puis, ils pouvaient avoir des scies multiples parallèles qui permettaient de couper plusieurs trucs en même temps. Mais ça aurait été plus les Romains qui auraient trouvé ça, là, parce qu'ils ont trouvé des vestiges plus tard. Les Romains, eux autres, ils ont pris la scie égyptienne. Puis ils l'ont mécanisé en la faisant s'alimenter avec un ruisseau qui détournait. Ils envoyaient ça ça tombait comme dans une chute. La chute faisait tourner une grosse roue comme on voit là, sur les bateaux là, au Mississippi, là. Et puis après ça, ben ça faisait bouger un morceau de bois qui faisait faire, qui avait un autre angle, un coude avec une scie. Là, ça s'assied automatiquement comme ça, là. Donc, il pouvait scier du marbre là, assez vite, puis sans forcer avec des bœufs ou avec des hommes. Parce qu'évidemment, des fois, ça peut être des Égyptiens qui tiraient de chaque bord des blocs là, pour couper ça avec la scie en fer. Moi, il y a déjà quelqu'un qui me ridiculisait dans une conversation, puis il me dit Ah, ouais, mais c'est ça, là. C'est sûr, c'est les extraterrestres qui ont fait les pyramides parce que finalement, tu sais, ils ont des. La tombe du pharaon, c'est une grosse plaque en marbre, puis c'est coupé super droit. Là, il me dit, ah, c'est sûr, ça a été fait au laser, puis il dit ça sur Internet, mais non, c'est pas un laser, c'était fait avec la scie en fer. Mais tu sais, qui était voir cette information-là sur Internet là, pour le savoir? Pas grand monde. Parce que moi, avec, ça m'a pris du temps avant de le trouver, ça, là. Même ce gars-là, il pensait que la pyramide est alimentée, c'est un réacteur à hydrogène, puis que là, la pyramide, elle pourrait monter dans le ciel, tu sais, dans le fond, comme une grosse soucoupe volante, mais ça, avec, tu sais, c'est pas très, très crédible. Après ça, il y a des chercheurs russes qui ont dit à un moment donné qu'il y avait une chambre secrète en dessous de la pyramide. Mais finalement, ils ont fait des tests avec des sonars, puis ils ont vu qu'il n'y avait rien, là. Donc, c'est toutes des théories, là. Il y a mille et une théories sur les pyramides, là. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. Mais, en tout cas, récemment, grâce à, encore là, des appareils comme ça qui permettent d'envoyer des sons à travers les murs, puis voir s'il y a des pièces cachées en arrière, ils ont trouvé une grande pièce, au centre de la pyramide. Et puis finalement, là-dedans, ils pensent qu'il y aurait des trésors qui seraient cachés. Donc, les chercheurs, ils vont essayer là, de perforer un peu le mur pour rentrer dans cette grande caverne-là, finalement, là, qui pourrait être une pièce secrète que les Égyptiens, eux autres, quand ils montaient la pyramide, ils faisaient différentes pièces à différents étages. Fait que sûrement que ça prenait des très bons plans pour réussir là, à prévoir où est-ce que les blocs étaient pour passer, etc. Là. Donc, c'est ça. Fait que dans cette planification-là, même. Ils plaçaient des grosses pierres carrées en blocs, là, que ça, ils laissaient ça dans l'entrée principale de la pyramide, qui menait à la porte principale, parce que sinon, ben, ils savaient que les voleurs, eux autres, ils essaieraient de rentrer dans dans ce corridor-là, mais qu'ils seraient confrontés aux trois, quatre grosses roches. Mais les voleurs, ils réussissaient tout le temps après, parce que ça, ils pouvaient prendre énormément de temps, vu que les pyramides, eux autres, là, ils étaient là depuis des millénaires, là. Fait qu'il y a différentes hordes de voleurs qui ont passé, puis ils réussissaient à contourner ces grosses roches-là. T'sais, ils perçaient pas la roche directement, ça donnait rien. Donc, c'est ça. Selon les pyramides, dans le fond, l'ordre de construction, la première pyramide, comme j'expliquais, c'était la pyramide de Djoser, qui était faite sous la troisième dynastie, qui est une pyramide à degrés à Saqqara. Après ça, elle a mesuré 62 mètres de hauteur. Après ça a été la pyramide de Sekhemkhet, de la troisième dynastie aussi. Elle a mesuré 70 mètres de hauteur. Après ça, il y a eu la pyramide à tranches, qui était de la troisième dynastie. Ça, c'était à Sawit el-Aryan. Elle était haute de 40 mètres. Après ça, la pyramide numéro 1 de Lepsius, c'était à Abu Rawash. Elle a 20 mètres. Mais à l'époque, elle avait 105 mètres de hauteur. La pyramide d'Atribis, qui était à Atribis, évidemment. Puis, c'est ça, la base, elle a fait 20 mètres de largeur. C'est une petite pyramide là, qui est disparue, là, finalement, là. Après ça, la pyramide d'Éléphantine de la troisième ou quatrième dynastie à Éléphantine. C'est une pyramide provinciale qui appelle plutôt maintenant, tu sais, à l'époque, elle faisait 10 mètres, mais là, elle fait 5 mètres. Bon, la pyramide de Zawit el-Metin, quatrième dynastie, elle a fait 4,8 mètres à notre époque, mais elle faisait 17 mètres avant ça. La pyramide de Saïla, elle a fait 6,80 m. La pyramide de Maïdoum, elle est à Maïdoum, elle faisait 91,9 m de hauteur. C'est la première tentative de pyramide à face lisse, qu'on dit là. Pyramide à degrés, pyramide satellite. Bon, la fameuse pyramide rhomboïdale sous le règne de Snéfrou, elle est à Dachau, comme j'expliquais tantôt. Elle fait 101 mètres de haut. Après ça, la pyramide rouge, Savek, c'est une des premières là, qui est très connue, là, sous le règne de Snéfrou. C'est une pyramide à face lisse, la pyramide de Khéops. Elle faisait 146 mètres de haut, 230 mètres de base. C'est la plus grande pyramide d'Égypte. Après ça, la pyramide G1D, c'est une pyramide du culte de Ka. 51 degrés d'angle. La pyramide G1A de la 4e dynastie de Khéops. Même affaire, 51 degrés point 50 d'angle. Après ça, 30 mètres de hauteur qu'elle faisait à l'époque. Il y a la pyramide de Djédefré, qui est la plus septentrionale d'Égypte. Celle-là était sous le pharaon Djédefré, évidemment, est à Abou Rawash. Faisait 11 mètres, 0,4 de haut. Après ça, la pyramide de Khéphren. Elle a gardé une partie de son revêtement en calcaire blanc, là, comme j'expliquais. Elle a 53,7 degrés d'inclinaison. Puis à l'époque, elle faisait 143 mètres de haut. Sa base est de 215 mètres à Gizeh, le plateau de Gizeh qu'on appelle. Il y a eu la pyramide de Mykérinos. Elle a 62 mètres aujourd'hui de hauteur. Avant ça, elle avait 65 mètres, 51 degrés. Tu as la pyramide G3A, la pyramide G3B, G3C, qui sont toutes à Gizeh. Ils font respectivement, ils faisaient à l'époque 28,4 mètres, 21, 21 mètres, des pyramides à degrés. Il y a le Mastaba El Pharaoun, qui faisait à l'époque 18 mètres de haut, sous la 4e dynastie, avec le pharaon Chepsekaf à Saqqara Sud. La pyramide de Kentakaous sur le plateau de Gizeh avec le pharaon Kentakaous Ier. Ça faisait 17 mètres de hauteur, sinon la base c'est 45 mètres par 45 mètres. C'est une pyramide à degrés mais avec deux étages. Parce que c'est ça, ils faisaient des étages au début, ils faisaient juste superposer des étages. Puis à un moment donné, ils se sont dit, ouais, on devrait peut-être faire un angle droit, ça ferait plus beau. Ça s'est tout fait graduellement. Bon, la pyramide d'Userkarf, elle a 53,7 degrés, 49 mètres de haut à l'époque, 73 mètres de base. La pyramide de Néfertépès, 52,7 degrés. Elle faisait 16,8 mètres à l'époque, avec une base de 26 mètres. Tu sais, fait qu'ils en ont fait des dizaines et des dizaines de pyramides, eux autres-là. Là. Mais les gens, souvent, ils vont connaître la pyramide de Khéops, c'est anciennement. Là. Ils connaissent pas les premières pyramides. La pyramide de Saouré, qui est à Abou Zir, sous la 5e dynastie Saouré, 36 mètres de hauteur à notre époque, 47 mètres autrefois. La pyramide de Néferirkaré de la 5e dynastie à Abou Zir encore. Sous Néferirkaré, 44 mètres de haut. La pyramide de Kentakaous II, 5e dynastie à Abou Zir, faisait 16,2 mètres de haut, puis la base 25 mètres. La pyramide de Néféphré à Abou Zir, la base à peu près 65 mètres. La pyramide de Nioséré, 5e dynastie, faisait 50 mètres de hauteur. Ça, il y en a deux des fois. Dans le fond, ils vont faire une grosse pyramide, puis des fois, ils vont faire une petite pyramide à côté de culte, qui appelle. La pyramide numéro 24 de Lepsius, 5e dynastie à Abou Zir encore, 60 degrés, 0,15. Donc, tu sais, ils n'ont pas tous le même degré, là. La pyramide numéro 25 de Lepsius, sous la 5e dynastie, dit Osiris, ils sont pas certains, à Abouzir encore. Bon, il y a la 2 aussi de ça, là. La pyramide Menkaou-Hor à Saqqara, sous Menkaou-Hor, avec une base de 52 mètres. Après ça, bon, il y a des pyramides qui sont inachevées. Pyramide Djed Kare, qui est à Saqqara Sud. Il y en a une, bon, il y a 3 pyramides de culte. Il y a celle-là aussi, la grande pyramide. Elle a 51 degrés, les autres 65 degrés. Elle aurait servi pour les autres pyramides d'après. La pyramide d'Ounas, c'est la première pyramide avec des textes. Est à Saqqara sous la 5e dynastie et le pharaon Ounas. La pyramide de Téti, elle avait 52 mètres de hauteur, la base 78 mètres, 53,7 degrés. Ensuite, en dessous, là, il y en a 4 pyramides aussi qui sont proches. Là. Ça, c'est sous la 6e dynastie. La pyramide de Pépi Ier, c'est une pyramide à texte aussi. 53 degrés, elle avait 12 mètres de hauteur. À l'époque, 52,5. La pyramide de Merenre à Saqqara, 53,7. Et puis la petite pyramide de culte, 63,26. La pyramide de Pépi II, le frère à Pépito, encore des pyramides à texte. À l'époque, elle faisait 52 mètres de haut. La base, 78,8 degrés. La pyramide d'Iti, de la 8e dynastie. La pyramide de Neferkare, 8e dynastie. La pyramide de Kakarelbi, 8e dynastie. Pyramide de Kui. Bon, ils ne savent pas si c'est une pyramide à degrés ou un mastaba, mais bon, ce serait une pyramide parce qu'elle a juste 4 mètres de haut. Après ça, la pyramide de Merikare II, la 10e dynastie, à Saqqara. La pyramide de Re-Ire-Shefnakht, à Saqqara. La pyramide d'Amenat Ier, 12e dynastie, à l'époque 55 mètres de haut. La pyramide de Sésostris Ier, 61 mètres à l'époque de hauteur, 105 mètres de largeur, 49,23 degrés. Puis là, à côté de celle-là, il y a à peu près une dizaine de pyramides de culte. La pyramide d'Amenemhat II, sous la 10e dynastie. La pyramide de Sésostris II, à El-Laoun.